عايش لي انا وندى شي حلالي ما على باليش بيك صح ضرة هذي ماضي يوم نسهر وندر شاب غيت ما على بالي ربي وحده هو اللي عالم واش تصرالي Soirée en mode cosmos, on rentre les chichas, recherche de geisha, rêve tous de Rihanna. Night reality, plus hamda, le matin on rêvait près de toi, c'est Aisha comme Disha. Hey, yeah, le mot c'est bas, Britit Slick, me gâte les salik, prêche hamka. Soyons unis, pas de prise de tête, à la khatal wa aran, tout ne se m'rêle pas. Viens t'en chahier, soirée de ouf, laisse-toi aller. Que du plaisir pour tes oreilles, et ça ne fait que commencer. Viens t'ambiancer, au plat d'Ilhmi, t'as ses dangers. Oublie tes problèmes, et راي راي شيري انا وندير شي حلالي ما على باليش بيك تهضر هادي ماضي يوم نسهر وندير شاب غيت ما على بالي ربي وحده هو اللي عالم واش تصرالي Je rock ma horreur, t'as la vague, rob à robin. Pas synchronisé, Hamida au platine. Bouge ton squelette, ta chachma, on taquine. Abuse pas sur le maquillage, c'est pas Halloween. Allo, oui, nana, nana, elle est là. J'suis allé avec ma vote, canapilla. Non mais, mets-toi à l'eau quoi. On veut tous la vie d'Aloca. Tunti, Terim, Rerba. Ma crêpe United sur la piste, tout le monde est corda. Fais péter le son dans ton bolide ou ta horda. Abuse pas sur la boisson, t'as mangé l'oubia. Aide Lila, nage ton lion. Évite les Herrera, on have l'homme. BG, sont des prêts سيرت البلاد وصولهم راي راي شيري انا وندير شي حلالي ما على باليش بيك تهضر هادي ماضي يوم نسهر وندير شاب غيت ما على بالي ربي وحده هو اللي عالم واش تصرالي C'est sous le soleil de la tête aux orteils On déverse du bon son dans tes oreilles On n'est pas nos verres, nous, c'est des bouteilles Demande à Recta de se pesquiser comme s'ils souviennent Pour qu'ils se souviennent On va choquer à la Moltes En tête de cortège, tu plaides à la tête Sous la piste, on t'emmène, tu te crois dans un hearse Lève les bras si tu sais pas, je t'arroule la serre de n'est-ce Viens t'en jaillir, soirée de ouf, laisse-toi aller Que du plaisir pour tes oreilles Ça ne fait que commencer Viens t'ambiancer, au plat d'Ilhmi, t'as ses dangers Oublie tes problèmes et راي راي شيري انا وندير شي حلالي ما على باليش بيك تهضر هادي ماضي يوم نسهر وندير شي